Puis il éprouva le besoin de voir Rosanette. Après tant de laideur et d'emphase, s'assentir personne serait un délassement. Elle savait qu'il avait dû, le soir, se présenter dans un club. Cependant, lorsqu'il entra, elle ne fit même pas une question. Elle se tenait près du feu, décousant la doublure d'une robe. Un pareil ouvrage le surprit. « Tiens, qu'est-ce que tu fais ?»« Tu le vois, » dit-elle sèchement. « Je raccommode mes hardes. C'est ta république. »« Pourquoi ma république ? C'est la mienne, peut-être ?» Elle se mit à lui reprocher tout ce qui se passait en France depuis 2 mois, l'accusant d'avoir fait la révolution, d'être cause qu'on était ruiné, que les gens riches abandonnaient Paris, et qu'elle mourrait plus tard à l'hôpital. « Tu en parles à ton aise avec tes rentes. Du reste, au train dont ça va, tu n'useras pas longtemps, tes rentes. » « Cela se peut, » dit Frédéric. « Les plus dévoués sont toujours méconnus. Et, si l'on avait pour soi sa conscience, les brutes avec qui l'on se compromet vous dégoûteraient de l'abnégation. » Rosanette le regarda, les cils rapprochés. « Hein ? Quoi ? Quelle abnégation ? Monsieur n'a pas réussi, à ce qu'il paraît. Tant mieux. Ça t'apprendra à faire des dons patriotiques. Oh, ne mens pas. Je sais que tu leur as donné 300 francs, car elle se fait entretenir, ta république. Eh bien, amuse-toi avec elle, mon bonhomme. » Sous cette avalanche de sottises, Frédéric passait de son autre désappointement à une déception plus lourde. Il s'était retiré au fond de la chambre. Elle vint à lui. « Voyons, raisonne un peu. Dans un pays comme dans une maison, il faut un maître. Autrement, chacun fait danser l'anse du panier. D'abord, tout le monde sait que le Dru Rollin est couvert de dettes. Quant à Lamartine, comment veux-tu qu'un poète s'entende à la politique ? Ah, tu as beau hocher la tête et te croire plus d'esprit que les autres, c'est pourtant vrai. Mais tu argotes toujours. On ne peut pas placer un mot avec toi. Voilà, par exemple, Fournier Fontaine, des magasins de Saint-Roch. Sais-tu de combien il manque ? De 800 000 francs. Et Gomère, l'emballeur d'en face, un autre républicain, celui-là. Il cassait les pincettes sur la tête de sa femme et il a bu tant d'absinthe qu'on va le mettre dans une maison de santé. C'est comme ça qu'ils sont tous, les républicains. Une république à 25%. Ah oui, vante-toi. Frédéric s'en alla. L'ineptie de cette fille, se dévoilant tout à coup dans un langage populacier, le dégoûtait. Il se sentit même un peu redevenu patriote. La mauvaise humeur de Rosanette ne fit que s'accroître. Mademoiselle Vandenasse l'irritait par son enthousiasme. Se croyant une mission, elle avait la rage de pérorer, de catéchiser, et, plus forte que son amie dans ces matières, l'accablait d'arguments.